deux heures passées. Puis surtout, c'est que les voisins doivent aussi l'écouter. Moi, je trouve ça décadent, là. Mais c'est vraiment décadent. Pour le meilleur du métal à Québec, vendredi soir, 22h, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. CKRL de 89.1. Il est minuit, les amis. On est ensemble jusqu'à 2h du matin. Restez des nôtres. Ce soir, on a toutes sortes de belles choses. La bonne musique. On va avoir Twisted Sisters. On va avoir Def Leppard. On va avoir... Ça va être pas mal rock. On va avoir Eddie Grant, Iron Maiden et bien d'autres. Restez des nôtres sur Gen X et Climax 80, épisode 7. Gen X et Climax 80, c'est d'abord un feuilleton radio, le seul feuilleton radio dans tout le monde français, les amis. C'est une expérience pas mal exclusive. C'est d'après une œuvre originale et encore inédite, Gen X et Climax 80. Le texte est interprété par l'auteur lui-même, Monsieur Florian, votre animateur, tous les vendredis de minuit à 2h du matin. Gen X et Climax 80, c'est donc une émission à caractère littéraire et un programme musical aussi incroyable qu'éclectique, et c'est composé des plus grands succès de la décennie 80. Gen X et Climax 80, si je vous fais le synopsis. Alors, au milieu des années 80, dans la ville de Québec, les tribulations sentimentales et masturbatrices d'un jeune adolescent de 15 ans qui, suite au divorce de ses parents et à l'éclatement de sa famille, cherche l'exutoire dans la musique métal et la semi-délinquance. Donc, l'exutoire, les amis, on le cherche, nous aussi. On le cherche tous, n'est-ce pas? Nous, ici, à CKRL, dans l'émission Gen X et Climax 80, on la cherche à travers des hosties de bonnes tunes comme celle que vous allez entendre. C'est Plume la Traverse, Pleine Lune. Je t'aime en hostie. Ta face me suit partout. Ta bouche, tes yeux, tes joues. Précédemment, donc, dans notre feuilleton radio Genix et Thomas 80, on a commencé nos petites chroniques romanesques avec une grande et longue parlotte qui a duré presque deux épisodes. Et puis, on s'est dirigé vers le 3, 4 et 5e épisode. On a vu notre Genix se réveiller chez le chum de sa mère. Et donc, on l'a vu gamberger pas mal, jongler pas mal dans la douche. De toutes sortes de choses, les amours imaginaires, les amours secrets, 2000 piastres bloqués dans un compte en banque, destinés à ses études universitaires. On a vu que le petit gars, il a un ban aussi, c'est son premier. Et rétrospectivement, qui avait été participant parmi les 13 000 autres au show de Iron Maiden. Et c'est là qu'on était. On était au show d'Iron Maiden le 12 novembre 1984. On a vu aussi que les Twisted Sisters étaient en première partie et que le chanteur lui-même avait occupé un fauteuil chez la coiffeuse préférée. Un autre amour, un autre de ses amours imaginaires, qui s'appelait Joe Labouclée, la bouclée de Sainte-Foy. La 7e, Genix et Climax 80. Donc, on va être prêt à retourner à nos petites chroniques romano-poétiques. Enfin, oui. Et j'ai pas encore réussi à trouver dans quelle étiquette imposer à ce texte. Mais ça va venir. Grâce à vous, grâce à votre aide. Donc, c'est le but de l'exercice, donc confronter mon texte aux auditeurs et à leur opinion. Enfin, allons-y donc pour notre première séquence. C'est la page 77. Et j'ai intitulé la séquence Québec, la ville. Dans une ville, à la constante pamoison, on a l'hyperbolique passion pour le tout et pour le rien. Une ville en répétition générale constante de l'éternel abus. Car il faut bien l'ivresse sans limite. Il faut bien quelque chose. Il nous la faut, l'Amérique, la transe mystérieuse des folies éthyliques de haut niveau. Encore heureux que la belle éloquence n'ait droit qu'à l'amour en récompense et aussi à des sottises pas toujours douces. En plus de petites langues de feu véhémentes de vapeur et de la visite de drôles de petits djinns mutins.

Ouh, que c'est beau, ça. Sensation de notre Robert Charlebois national. Et ça va nous conduire directement à notre deuxième séquence qui s'intitule I Wanna Rock. On digresserait à l'envi sur les jolies pattes à la Joanne, aux longueurs filiformes et dorées de promesses, ainsi qu'à toutes ces immensités de fines plages abandonnées, laissées intactes et inviolées par des Robinsons aux besoins inutiles. Grâce à vendredi, il vit sa vie avec la clim à fond, et puis c'est tout, il attend. Le petit branleur à la main gauche, il va se ramener bientôt, il est en chemin. Il arrive. L'ado retardé, aux idéaux solitaires, infâmes et tenaces. En plus, qui ne rapporte même pas un putain de rond. Que les souvenirs de chansons anciennes, de tout ce qui restait encore en nous, de similaire à ce qu'aurait pu être un mec réel. Les Twisted, quant à eux, ils avaient carrément la tchatche des baveux qui avaient vu neiger dans les montagnes rocheuses. Comme on peut souffler sur la bille lorsque rien ne va plus et que les jeux sont faits. Lorsque tout est dans tout et que l'affaire est dans le sac pour les chichis à Lulu comme pour les folies morbides à Dédé. Et jusqu'au froufrou à Mimi qui attendait sa passe à elle pour sa turlute habituelle. Elle prenait son temps et faisait exprès pour rouler des yeux et en mettre plein la caméra. Voilà, rien que pour faire kiffer la race de sa mère, la pute. Et promis, après ça, on vous laissera partir dans les escaliers. Tranquille, Emile, Dee Snider avait fini son show. Il était bel et bien le crinqué qu'il semblait être. Bref, il persistait et signait de son doigt majeur, probablement anti-vax. Il l'avait levé tel un pont-levis, pareil à une aube nouvelle. Bonne rentrée, les amis. Bonne rentrée 2025. On va les avoir. School has begun. The summer is over. I am in command. What was that? For that little outburst, each and every one of you will spend 3 hours in detention. Today, immediately after school, in the basement. What do you think you're doing? Twisted Sister. Vous écoutez Genix et Climax 80 sur CKRL, le 89,1, la radio, la nuit, et c'est à Québec. All right, Mr. Sister, I want you to tell me, no, better yet, stand up and tell the class. What do you wanna do with your life? I wanna rock! Twisted Sisters, I wanna rock! Tu parles qu'il avait balancé son redondant petit sketch. Aux yeux de tous, son majeur, il l'avait levé pratiquement sur chaque morceau pour l'ensemble de l'auditoire. Il ne voulait que nous taquiner un peu, nous embêter par ses vannes stupides, nous impressionner par l'insolente facilité avec laquelle il empaquetait et étiquetait tous les 13 000 et quelques petits têtards, nous autres, les bébés grenouilles, qui n'avions absolument rien pigé du tout au rock'n'roll et encore moins à cette foutue bataille de Little Big Horn. À mon avis, cette poufiasse de Snyder, il avait bien toutes les raisons du monde de nous envoyer le doigt. Ben voyons, we're not gonna take it. C'était son cri de guerre, et puis voilà, son délire perso. Mais alors, à l'aise Blaise, moi j'étais à fond avec les Twisted. Ça n'aurait pas pu mieux tomber comme première partie. J'avais leur single You Can't Stop Rock and Roll avec en face B The Kids Are Back. Il faisait aussi pas mal de clips débiles assez marrants. Ça passait plus tard le soir. Ouais, je trouvais ça très stylé. J'aimais bien. Une excellente film. D'ailleurs, la vidéo est toujours aussi hilarante. Enfin, moi, je trouve. Donc, on va y aller avec la séquence 3. C'est page 79. On avait pris le bateau. On était tous arrivés là assez tôt. Presque toute la bande de Christ Roi cochait présent sur le parking du Colisée. Juste avant l'ouverture des portes. On était passé chez Jambon, après les cours, pour blaster un peu de hache sur les ronds du poêle. On était au moins une bonne quinzaine de grands flambeaux, tous avides de sensations. Le ferry de 18h30, pour passer sur la rive nord, était plein à craquer, d'une foule d'autres bandes de jeunes, tous vêtus de cuir ou de chemises carottées, se donnant des allures de voyous, équipés de caisses de bière, de chapelets de jurons et de blasphèmes notoires. On aurait dit une invasion improvisée, mais en règle, de sauvageons, partant pour ce qui aurait bien pu être d'ailleurs leur dernière descente. Du moins, selon ce que titraient les journaux du lendemain. L'ambiance était frénétique, mais quand même plutôt bon enfant. Yeah. Do You Wanna Touch Me? C'est Joe & Jett. Et on s'en va à la pub et on vous revient dans quelques instants sur Genix et Climax 80. C'est sur CKRL, le 89.1, la radio, la nuit, à Québec City. À ne pas manquer, à l'Anglicane de Lévis, vendredi 5 septembre à 20h, Lou-Adrienne Cassidy présentera la sortie de résidence de Triste Animal, son quatrième album, accompagné de 5 musiciens musiciennes. Une première devant public à ne pas manquer. Seul dans ma tête, c'est moi qui me porte, c'est moi qui m'éclaire. Vendredi 12 septembre à 20h, vivez un moment privilégié avec Jacques Michel, seul sur scène avec sa guitare et son harmonica, en toute simplicité et en toute complicité. Tenir le coup, sans jamais fléchir les genoux. Une occasion de célébrer plus de 60 ans de vie artistique de l'un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes et musiciens du Québec. Informations et achats au espacedcl.ca. Le clap. Présentement à l'affiche. Les méchants deux. L'agent fait la farce. Je le jure. Inséparable. Les quatre fantastiques. Premier pas. La réparation. Menteuse. Superman. Le secret de Khéops. Et les Schtroumpfs. Bientôt sur nos écrans. Amour Apocalypse. Un vendredi encore plus dingue. Heure de disparition. Et à bicyclette. Le clap pour les amoureux du cinéma. Clap.ca. J'aime le cinéma. La fête des moissons du Centre Monseigneur Marcoux, présentée par la Caisse Desjardins de Limoilou, est de retour pour sa 5e édition. Venez vivre une journée encore plus grande que jamais. Des animations pour tous les âges, allant des jeux gonflables aux spectacles de musique, en passant par du bubble football, seront offertes lors de cette journée mémorable. Le samedi 13 septembre de 10h à 15h, au Parc Bardi, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour découvrir l'ensemble de la programmation, visitez la page Facebook ou téléphonez-nous au 418-661-7766, poste 221. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la guitare avec Marcine. Virtuose, audacieux et spectaculaire, le jeune phénomène de la guitare percussive vient présenter du matériel original ainsi que des reprises. Dans le cadre de sa tournée Solo Dragon, voyez le guitariste qui bouscule les conventions et impressionne partout où il passe. Le 13 septembre, laissez-vous emporter par la maîtrise technique impressionnante et l'énergie renversante de Marcine au Palais Montcalm, Maison de la musique. Détails au palaismontcalm.ca. De retour à Genix et Climax 80, votre feuilleton préféré, le seul feuilleton radio d'ailleurs, dans tout l'espace du monde français. Et donc, on est fiers de participer à cette expérience exclusive. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1 et on est sur le point, là, vraiment, de passer à la séquence 4, à l'intérieur du Colisée. Une fois à l'intérieur du Colisée, je m'étais retrouvé seul avec un gars de Saint-David Beach, Francis B. Il habitait juste un peu plus haut, un arrêt de bus après le mien. Il faisait partie, lui aussi, de la bande qui se réunissait derrière l'école. On avait trouvé une place assez proche, à gauche de la scène. Debout sur nos sièges, on voyait super bien. De plus, le son était impeccable, magistral. J'étais très impressionné de ressentir toute cette puissance de l'amour d'une foule pour leurs idoles. L'amphithéâtre des Nordiques semblait rétrécir à vue d'œil à mesure que la foule surexcitée enflait de plaisir. On avait fumé plein de boulettes de haschich pendant toute la durée du concert des Twisted. De même que durant l'entracte, la pipette en était rougie tellement on l'avait chauffée. Je m'étais même brûlé avec. Souvenir du chaud que je m'étais dit. Brûlure que j'exhiberais fièrement le lendemain à l'école, telle une médaille de bravoure, ou plutôt comme les stigmates attestant d'une mystique dépassant de loin, à mon avis, de l'époque, l'entendement de la plupart de mes camarades de classe. Photograph de Def Leppard. Et minuit 32, vous êtes sur CKRL, le 89.1. C'était Photograph de Def Leppard. Pour ceux qui sont en voiture, quelque part dans une route, autour de Québec, je sais pas, dans la Jacques-Cartier ou dans Bellechasse, je sais pas, dans une route un peu sombre ou... je veux vous rassurer tout de suite, non, vous êtes pas dans la quatrième dimension, vous êtes pas retourné comme ça dans les années 80. Là. Non, vous êtes bien sur Genix et Climax 80. C'est un show à caractère littéraire, mais pas que ça, les amis. Ça regorge de hits de toutes sortes. C'est les années 80 qui... Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, je veux dire, on arrive un petit peu à l'essoufflement là, justement de cette décade. Mais il va peut-être falloir bientôt changer notre fusil d'épaule. Mais en tout cas, nous, on a décidé de retourner aux sources. Et donc, on a encore plein de gros hits. Et tout style confondu. Donc, on va retourner à notre petit... feuilleton radio, votre feuilleton radio préféré sur CKRL, le 89.1. Séquence 5, le haschich. Une chose est certaine cependant, et au risque de passer pour un vieux con, je dirais que le hash était vachement meilleur à l'époque qu'aujourd'hui. Ça, tout le monde pourrait l'attester. Impossible de faire un pas dans les concerts sans être soumis à l'emprise de cette fumée, à son arôme exquis, d'une blancheur irréelle. Partout, autour et au-dessus, jusqu'au plafond, flottait cette odeur exotique, enivrante, fruitée. Enjoint au couteau, à l'aiguille, dans une pipette, à la torche, afghan, gold, back gold, ou alors California gold, ou encore Acapulco gold. Ah oui, bien sûr. Le Cadillac gold, la crème du haschich. Plus rarement, il y avait aussi le Jamaï. Mais ça, il fallait vraiment être en fond pour se payer un gramme à $30 de cette merde sublime. Eddie Grant, Electric Avenue. Vous écoutez l'émission Genix et Climax 80. C'est sur CKRL 89.1. Street. Pacific Avenue, and then we'll take it higher. Out in the street, out in the street, out in the playground, in the dark side of town. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue. Eddie Grant, Electric Avenue. Pour le choix des chansons aussi, je dois vous dire que j'essaie de suivre le texte le plus possible. Enfin, j'y vais avec le texte, quoi. Donc, comme je parlais du hashish, j'ai cru bon balancer cet excellent tube de l'année 83, je crois. Eddie Grant, Electric Avenue. On va y aller avec la séquence 6. Et ça s'appelle l'entrée des Iron Maiden. Page 81. Tout à coup, tonitruante et semblant venir de nulle part, avait eu lieu l'arrivée fracassante des Iron Maiden. Ils entraient en force avec Aces High, de suite après l'intro du discours de Churchill. Tout ça, un grand renfort d'explosions et de flashs pyrotechniques. Les effets spéciaux, mec, je te dis pas. Ils avaient vraiment mis le paquet. On aurait dit un orage électrique. Le public était conquis. Moi, sur le phono de ma chambre, j'avais l'album Power Slave en boucle depuis sa sortie. Juste quelques semaines auparavant. Alors, je connaissais absolument tous les morceaux à fond. J'étais carrément en transe. Hey César, les amis, on va y aller avec un petit segment Maiden. C'est le show, quoi. C'est le show qui veut ça. Donc, Iron Maiden, Hey César, ça va être suivi de Wasted Years sur CKRL, le 89.1 à Québec City. Yeah. suite avec cette superbe chanson d'Iron Maiden. C'était extrait de leur album Somewhere in Time. Ça s'appelle Wasted Years sur CKRL. 89.1, la radio, la nuit, il est minuit 48, il a arrêté de pleuvoir, on écoute Iron Maiden, Wasted Years. Yeah. C'était Wasted Years des Iron Maiden. Donc c'est une chanson de l'année 1986. Justement, c'est l'année où le Gen X se réveille là, dans l'appart du chum de sa mère et qui prend la douche, etc. Là, on est dans une espèce de flashback où on revient. Donc, on revient à parler d'Iron Maiden et d'où ça vient tout ça. Comment? C'est ce qu'on va voir dans le prochain segment. Donc, on va bientôt aller à une petite publicité. Mais avant tout, je vais, pour les nouveaux, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, faut savoir que Gen X et Climax 80, l'émission, c'est d'abord un feuilleton radio, bien sûr. D'ailleurs, le seul feuilleton dans le monde français. Et donc, c'est le feuilleton, c'est d'après une œuvre originale et inédite encore, interprétée par l'auteur lui-même. Donc, Gen X et Climax 80, c'est le titre. Et donc, votre animateur, c'est M. Florian, assisté de Lana à la régie. Et donc, on est là tous les jeudis à minuit. C'est jusqu'à 2 heures du matin, les amis. Donc, joignez-vous à nous et parlez-en autour. Ceux qui aiment les délires littéraires, et ceux qui aiment les belles histoires, ceux qui aiment les belles chansons aussi. Parce que c'est pas qu'une émission littéraire, c'est pas qu'une émission pour les intellos. Donc, pas besoin de porter des fonds de bouteille pour aimer Gen X et Climax 80, les amis. Parce que les auditeurs auront droit chaque semaine à un programme musical aussi incroyable que varié. Donc vous l'avez vu, donc on a mis Eddie Grant avec Robert Charlebois. Donc c'est quand même pas piqué des verres, les amis. Donc joignez-vous à nous. Et on va écouter jusqu'à 2 heures du matin des hits des années 80. Donc, on a décidé de se tourner vers ça, parce que de nos jours, la musique, enfin, on écoute. Il y a des trucs qui sont bien sûr, mais c'est certainement pas ce qui passe à la radio. Et donc, c'est certainement pas ce qu'on nous propose sur les médias mainstream, souvent. Enfin, c'est difficile. C'était ma petite montée de lait. Donc, voilà. Je vous fais le petit synopsis aussi de Gen X et Climax 80. Donc, on va faire ça après la pub. Et donc, on va se diriger lentement, mais sûrement, vers la publicité. Et on vous revient tout de suite après sur Gen X et Climax 80 à CKRL, le 89.1, la radio à Québec. CKRL 89.1. La fête des moissons du Centre Monseigneur Marcoux, présentée par la Caisse Desjardins de Limoilou, est de retour pour sa 5e édition. Venez vivre une journée encore plus grande que jamais. Des animations pour tous les âges, allant des jeux gonflables aux spectacles de musique, en passant par du bubble football, seront offertes lors de cette journée mémorable. Le samedi 13 septembre de 10h à 15h, au Parc Bardi, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour découvrir l'ensemble de la programmation, visitez la page Facebook ou téléphonez-nous au 418-661-7766, poste 221. À ne pas manquer, à l'Anglicane de Lévis, vendredi 5 septembre à 20h, Lou-Adrienne Cassidy présentera la sortie de résidence de Triste Animal, son 4e album, accompagné de 5 musiciens-musiciennes. Une première devant public à ne pas manquer. Vendredi 12 septembre à 20h, vivez un moment privilégié avec Jacques Michel, seul sur scène avec sa guitare et son harmonica, en toute simplicité et en toute complicité. Tenir le coup, sans jamais fléchir les genoux. Une occasion de célébrer plus de 60 ans de vie artistique de l'un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes et musiciens du Québec. Informations et achats au espacedcl.ca. le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique folk rock avec Daniel Lanois. Got a letter from a messenger. Le légendaire musicien, chanteur et réalisateur est de retour en formule trio pour un nouveau spectacle célébrant son riche et vaste répertoire. Au programme, harmonie vocale, envolée instrumentale et complicité musicale. Le 3 octobre, Daniel Lanois vous propose un rendez-vous aussi unique que mémorable au Palais Montcalm. Détails au palaismontcalm.ca. Le bonheur maintenant livré chez toi. Pizza, fagottos, breuvages et alcool. On livre. Tu salives? Commande en ligne au boitapain.com. CKRL ouvre ses ondes aux passionnés de rock sous toutes ses formes. Des classiques aux nouveautés, faites entendre votre sélection unique en proposant votre émission ou en collaborant avec nos équipes spécialisées. Comment soumettre votre projet? Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et cliquez sur l'onglet « Proposer une émission » ou envoyez votre concept par courriel à programmation@ckrl.qc.ca. Radio. Devenez une force créative bénévole de CKRL et aidez-nous à bâtir une programmation riche et diversifiée. 89. Au milieu des années 80, dans la ville de Québec, les tribulations sentimentales et masturbatrices d'un jeune adolescent de 15 ans, qui, suite au divorce de ses parents et à l'éclatement de sa famille, cherche l'exutoire dans la musique métal et la semi-délinquance. L'exutoire. Eh oui, c'est ce que nous cherchons tous, n'est-ce pas, les amis? Nous, ici, à CKRL, encore une fois, pour la 7e fois, on cherche cet exutoire dans une semi-délinquance littéraire. Et on la cherche surtout, l'exutoire, dans ces superbes morceaux de musique qu'on se propose de vous balancer jusqu'à 2h du matin. Et celui-ci, on le dédie à tous ceux qui, comme exutoire, cherchent à apprendre à voler. Learning to Fly, des Pink Floyd. C'est ce soir, c'est l'exutoire. Thank you. Des Pink Floyd. C'était l'album, je crois, Momentary Lapse of Reason. C'était l'album qui a suivi le départ du bassiste, hein, comment il s'appelle déjà, Roger Waters, qui a fait une excellente carrière solo après. Des super albums. Donc on va pouvoir y aller avec la suite de notre feuilleton. La séquence 7, page 82. Iron Maiden. Mon engouement pour ce groupe londonien remontait à leur sortie de leur album Killer au début des années 80. Je devais avoir 9 ou 10 ans. J'avais découvert les Iron Maiden grâce à Tijac, un mec du quartier de mon enfance à St. David Beach. Il prend d'ailleurs, malgré lui, une part non négligeable à sa manière de toute cette histoire. Il se trouvait à être le frère aîné de plusieurs années d'Éric Bilodeau, mon super pote de ce temps-là. Jacques, c'était l'artiste jusqu'au bout des ongles, qu'il avait long et sale la plupart du temps. En plus, il jouait de la batterie, qui appartenait à l'un de ses amis, et sur lequel il s'exerçait devant Eric, mon frère et moi. Nous lui constituons un public un peu tâche, mais tout à fait complaisant. Il répétait dans le garage, entre autres sur le solo de Neil Peart dans Tom Sawyer, qu'il essayait de reproduire en intégralité. Moi, j'y connaissais pas grand-chose à la batterie. Mais ni à Rush. Mais j'étais assez fan de musique pour trouver qu'il assurait plutôt bien. Tom Sawyer du groupe canadien Rush, et ça va être suivi tout de suite par une excellente chanson qui aurait dû venir juste avant, mais j'ai continué le texte. Donc on va écouter Paul Dino, qui était l'ancien chanteur de Iron Maiden avant Bruce Dickinson. Donc on va l'écouter dans Killer, extrait de l'album éponyme Killer. See ya. Killer des Iron Maiden, c'est leur deuxième album, et donc on va retourner à notre petite chronique romano poétique à la page 82, la séquence 9. À part ça, petit Jacques, il dessinait aussi, en plus de peindre toutes sortes de toiles plus belles et impressionnantes les unes que les autres. Des scènes de monstres préhistoriques s'entre-déchirant au pied de volcans en fusion. Ou bien des combats navals entre des vaisseaux pirates et des galions énormes, extraordinaires de réalisme. Ou alors des combats aériens, mettant en scène des as hypothétiques du dogfight dans les ciels délavés du Wessex. Il avait réellement son style à lui dans tout ce qu'il faisait. Mais son truc le plus hallucinant demeurait sans conteste ces espèces de créatures qu'il inventait et sculptait dans du polystyrène ou qu'il élaborait tout bonnement avec tout ce qu'il pouvait trouver. Il s'amusait aussi avec du fibre de verre qu'il coulait lui-même. Son grand projet consistait à reproduire grandeur nature la créature du film Alien. Justement avec du fibre de verre, ainsi qu'avec des bouts de bois, du carton et de vieux tuyaux de plastique. Sa créature était pas mal avancée. Il aurait vraiment pu faire carrière dans le cinéma, dans les effets spéciaux ou dans ce qu'il aurait voulu finalement. Il pouvait tout faire. Petit Jacques, c'était l'idole de tous les gamins du quartier. Moi, il me faisait aussi un peu penser à Jésus. I'm not afraid to die. c'était Scorpion, Blackout. On va y aller avec une excellente chanson de Black Sabbath. Ça s'appelle War Pigs. Et c'est sur CKRL, le 89.1. Vous êtes dans l'émission Genix et Climax 80. On me dit que je pourrais peut-être faire un petit extrait, encore une petite séquence de plus. Peut-être, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Yes? On va y aller dessus. C'est War Pigs, The Black Sabbath. Donc, un jour, que Tijac revenait d'une razzia chez Sherman, le magasin disquaire des Galeries Chagnon, notre centre commercial de Levy Beach, il nous avait fait voir et écouter ces deux nouvelles acquisitions. Il y avait d'abord Killer, des Iron Maiden, comme j'ai dit tout à l'heure, puis Black Sabbath, l'album éponyme. La pochette des Maiden m'avait tout de suite plu, avec Eddie, leur macabre mascotte, genre de zombie psychopathe, momifié sur les bords. Je le trouvais super bien dessiné. Witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Eddie demeure pour tous les fans le membre le plus important du groupe Iron Maiden. Il les accompagne sans jamais prendre une ride depuis leur tout premier disque, changeant d'aspect ou de costume au gré des époques, emportant avec lui toutes ses cicatrices et mutations diverses sur les pochettes de tous leurs albums et titres phares. Cela aurait pu retracer un espèce de parcours initiatique, sans doute. Courte pub et on vous revient après sur Genix et Climax 80. Il est 1h26 et on est avec vous jusqu'à 2h du matin, mes amis. Restez des nôtres. Votre savoir, votre expérience et votre passion ont leur place au 89.1. Nous cherchons des talents de tous les horizons. Passionnés de musique, d'art, de culture, ou peut-être avez-vous une expertise, un savoir unique à partager, notamment du monde académique ou de la recherche? Visitez ckrl.qc.ca pour tous les détails et pour soumettre votre projet d'émission. Devenez une force créative bénévole et enrichissez la programmation de CKRL. Radio. Je pense que Jean-Marc, c'était probablement un des meilleurs à utiliser la musique à l'intérieur du cinéma. Jean-Marc Vallée Mixtape, récit du cinéaste québécois façonné par la musique. Une exposition gratuite présentée au Diamant dès le 23 juillet 2025. Le bonheur maintenant livré chez toi. Pizza, fagottos, breuvage et alcool. On livre. Tu salives? Commande en ligne au boitapain.com. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15 % de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Le clap. Présentement à l'affiche. Les méchants d'eux. L'agent fait la farce. Je le jure. Inséparable. Les quatre fantastiques. Premier pas. La réparation. Menteux. Superman. Le secret de Khéops. Et les Schtroumpfs. Bientôt sur nos écrans. Amour Apocalypse. Un vendredi encore plus dingue. Heure de disparition. Et à bicyclette. Le clap pour les amoureux du cinéma. Clap.ca. J'aime le cinéma. Vous avez envie de vous dépasser, vous détendre, évacuer votre stress? Cet automne, c'est au Centre Monseigneur Marcoux que ça se passe. Que ce soit via des sports de groupe, des activités culturelles ou du loisir actif et éducatif pour les jeunes, notre programmation de loisirs saura vous satisfaire. Pour plus de détails et vous inscrire, visitez notre site Internet au centremgrmarcoux.com ou téléphonez-nous au 418-661-7766, poste 221. Faites vite! La session débute le 15 septembre. J'aime le matin, le lever du soleil, les cheveux emmêlés, les rues désertes, le café, l'odeur du pain grillé, les bonjours, les sourires, l'actualité, la radio. C'est dans le fond, la Cour suprême a déjà statué que le président pourrait y poursuivre. Les matins éphémères, en semaine de 7h à 9h. De retour à notre émission Gen X et Climax 80, votre feuilleton préféré. On va pouvoir y aller avec la dernière séquence de la soirée. Ensuite, on va avoir une excellente programmation avec Shandy, avec Shady, avec CCR, Marjo et d'autres. On est ensemble jusqu'à 2h du matin, donc on a encore du temps. Mais c'est la dernière séquence de notre feuilleton radio pour ce soir. C'est la séquence 10 et c'est la razzia chez Sherman. Comme j'avais toujours été très BD, j'en consommais énormément. J'étais toujours soit en train d'en lire une, soit en train d'en dessiner une. Alors j'avais tout de suite flashé sur le dessin de la pochette de Killer, dès que je l'avais eu entre les mains. Cependant, lorsque j'ai entendu la musique, ses rythmes changeants et progressifs, ce son si particulier des harmonies de guitare, ça m'avait instantanément donné le goût de m'enfermer dans ma chambre pour me passer le disque en boucle et pour dessiner la pochette. La décliner à toutes les sauces. Je m'installais à mon pupitre, je pouvais y passer des heures. En même temps, T-Jack, il nous avait aussi initiés à Van Halen, à Rush, à Scorpions, à Art, surtout le morceau Barracuda, ainsi qu'à plein d'autres groupes qui dépeignaient des univers de films d'horreur ou de science-fiction dont j'étais également très friand. Barracuda, The Heart, sur les ondes de CKRL 89.1, la radio, la nuit, Quebec City. Barracuda. Barracuda. C'était le duo Heart. Excellente chanson. Ils vieillissent bien, les Heart. Ils sont encore là, ils tournent encore. Je sais qu'ils étaient. Ils sont venus ou ils doivent venir au Centre Vidéotron. Donc, voilà. Pour ce qui est du feuilleton, j'ai pensé arrêter ça pour ce soir, étant donné que la séquence du show d'Iron Maiden est terminée. Et donc, dans le prochain épisode, on va découvrir un petit peu le petit gars qui écoutait Iron Maiden. On retourne dans le temps, on retourne dans les années 80, à l'époque du référendum. Donc, c'est aussi un sujet Gen X. Il n'y a pas que les jeunes du Parti québécois qui peuvent parler des référendums, mais les Gen X aussi, on a connu ça. Et donc, en tout cas, on ne parlera pas de politique ici. Ici, on est là pour délirer. Et donc, on va y aller avec une excellente chanson pour le reste du temps. On va enchaîner des chansons des années 80. On a le goût. Et donc, ça va être la chanson, une chanson que moi j'adorais, qui est sortie, je crois, en 82, sur un album qui s'appelait Flashdance. Et c'est la chanson d'une artiste très sexy, Shandy. Ben, je sais pas si elle était encore sexy aujourd'hui, mais en tout cas, elle l'était à l'époque. Et donc, on y va avec sa chanson His Dream de Shandy. Vous écoutez CKRL, le 89.1 à Québec. He doesn't mean a thing to me, just another pretty face to see. He's all over town, knocking on down, honey. I'd never let him next to me. He's the kind of guy who thinks he's smart. He's the type that always looks the part. He's so on the make, it's so hard to take, honey. Might never let him touch my heart. Lucky he just walked on by. Cause he hasn't met a girl like me, and he would kill him. Well, I'd tell him that I'd rather die. Dream. Ça se passait en 83. Il y avait eu aussi un film à grand déploiement, Flashdance. C'était l'histoire d'une danseuse qui était danseuse et qui, à mi-temps, était aussi soudeuse. Donc, c'était une soudeuse danseuse. Bref, il y avait une excellente trame sonore. On va y aller avec une autre excellente tune, donc suggestive. C'est la jolie Shadé avec son tube de 1984, Smooth Operator. Vous autres, les amis, les auditeurs, êtes-vous, quand vous opérez, est-ce que vous êtes smooth ou est-ce que vous êtes rough? Ben, ça se pose comme question, hein. C'est tout comme le beurre d'arachide. Est-ce que vous êtes crunchy ou est-ce que vous êtes smooth? Donc, voilà, c'est un pensez-y bien ce soir. Vous pouvez nous répondre sur Facebook. Mr. Florian, Monsieur Florian, donc c'est en lettres majuscules, Mr. Florian en lettres majuscules, vous le trouvez sur Facebook ou vous allez directement sur le site de CKRL, vous trouvez notre émission Genex et Climax 80. Et donc, vous allez écouter les podcasts aussi si vous n'avez pas eu le temps d'écouter l'émission en entier ou si vous êtes nouveau ou si vous voulez faire un cadeau à votre tante ou à votre cousin. Qui sait? Donc, que vous soyez smooth ou que vous soyez soft ou smooth, que vous soyez rough, on va vous dédier cette chanson à tous les amoureux malades de la ville de Québec et même au-delà. Puisque c'est KRL et la plus grande radio communautaire, on broadcast, je ne sais pas jusqu'où on rejoint, mais en tout cas, c'est quand même assez large. Donc, on vous la dédie, à vous, cette maladie d'amour. C'est la chanson de Marjo, notre belle Marjo d'amour. Maladie d'amour. Maladie d'amour. Maladie d'amour. Là, on entendait mon ordinateur. Là. Désolé. C'est parce que j'étais en train de regarder sur Facebook s'il y a des gens qui sont venus poster leurs impressions. Et j'ai vu que, bon, il y a eu quelques messages personnels. C'est très gentil de votre part, les amis. Merci. Ça nous encourage beaucoup d'avoir un petit peu de retour. On se sent un peu seul. Mais on adore, on kiffe, inquiétez-vous pas. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir vos impressions. Et donc, comme toute bonne chose a une fin, eh bien, on doit vous dire bye-bye. Et c'est déjà terminé pour Jamix et Climax 80, l'épisode 7. On se revoit la semaine prochaine, les amis, sur l'épisode 8. Plein de nouveautés et on s'en vient avec des nouvelles choses bientôt. Là. Surveillez ça. Bonne rentrée, les amis. Nous autres, notre rentrée, ça va être la semaine prochaine. Je viens de décider ça. Là. Bye bye, les amis. Bonne semaine, bonne nuit sur CKRL 89.1, la radio, la nuit, à Québec. Want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Got the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart. Des moissons du Centre Monseigneur Marcoux, présenté par la Caisse des Jardins de Limoilou, est de retour pour sa 5e édition. Venez vivre une journée encore plus grande que jamais. Des animations pour tous les âges, allant des jeux gonflables aux spectacles de musique, en passant par du bubble football, seront offertes lors de cette journée mémorable. Le samedi 13 septembre de 10h à 15h, au Parc Bardi, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour découvrir l'ensemble de la programmation, visitez la page Facebook ou téléphonez-nous au 418-661-7766, poste 221. Le clap. Présentement à l'affiche. Les méchants d'eux. L'agent fait la farce, je le jure. Inséparable. Les quatre fantastiques, premier pas. La réparation. Menteux. Superman. Le secret de Khéops. Et les Schtroumpfs. Bientôt sur nos écrans. Amour Apocalypse. Un vendredi encore plus dingue.